J'envoie gros son pour tous ceux à qui on a oublié de préciser que la visée. Smicard pour la plupart à l'usine comme au chantier. 20 ans de métier, sciatique à 40 piges du ciment dans la voie. Payé au lance-pierre, parle pas de pouvoir d'achat. Forcé de remplir leur formulaire de merde pour toucher les allocs chaque fin de mois. Mais réinvestissent dans la coque, où vous êtes là, le béton ne tourne du pas. Tu peux béton à chaque pas. Les gouvernements se succèdent, la situation n'avance pas. Les générations se suivent et les choses ne changent pas. Vois les petits foncent de au champ, Cheka et Vodka. Les pouvoirs publics disent on peut rien faire pour Vodka. C'est toujours le pognon en l'air de la guerre, toujours les mêmes qui trinquent. La morguette au bout d'une lame, d'une aiguille ou d'un flingue. Chaque jour combien de bâtards me tendent la main et disent salam. C'est pas la peine, une chaîne sera jamais un homme. Malgré un départ chaotique, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Nos actions nous précèdent dans cette histoire, pas de retour en arrière. Une vie à courir derrière tous fric, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Une question de survie dans cette histoire, pas de retour en arrière. C'est la crise, tout le monde veut la grosse tu même les PD se mettent dans le pis. Les héros parlent sur le fond sans retenue à cause de l'effet de la défense. Les flics à l'autre bout comme dans une putain de conférence. Prépare tranquillement la perquise et casse à ton bon dit mesquine. Pendant que les autres passent leur temps à bédaver, à teaser le whisky. Aucune excuse quand on choisit la vie de rêve au lieu du taf à l'usine. Tu files la thune à ton avocat, passe à avoir la semi-liberté. Le juge te dit quel numéro d'écoute tu auras cet été. Saison qui dure toute l'année, pourtant ici c'est pas la Floride. Certains finiront déflorés, parfois une lame dans le bide. La note est sale et pas d'évasion comme Sucré ou Scofield. Certains angoissent rien qu'à l'idée d'aller en promenade. Escampe ton DVD de Scarface et mate la réalité en face. Al Pacino est qu'un sus-boule qui carbure à la corde. Malgré un départ chaotique comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Nos actions nous précèdent dans cette histoire, pas de retour en arrière. Une vie à courir derrière tous fric, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Une question de survie dans cette histoire, pas de retour en arrière. Ils ont plus jeune, ils refourguent la coque and shit et se disent je suis Scarla. Rien de bon là-dedans, je connais le truc, je suis passé par là. Passé sans gloire, pas mal de mailles, beaucoup de galères. Parfum d'embrouille là, putain de sa mère comme aurait dit Juice avant sa mort. Putain d'époque de ouf, grosse caisse et haut degré d'inconscience. Et cette devise de merde, ça passe ou ça casse. Les enveloppes planquées dans l'armoire, ce putain de bénéf que tu rencontres chaque soir avant de tirer sort. Je connais l'histoire, alors évite de te la péter comme si j'étais né hier. J'ai fait le chemin avant toi, j'en suis revenu marqué au fer. Mais pas ton nez dans mes affaires, mais pas ta queue dans la meuf de ton frère. Ne joue pas Wallah avant de le faire, si tu veux pas te retrouver dans la merde. Un mort en sursis, c'est ça le thème. Arnaque fonce, dis c'est ça que t'aimes. Le travail bien fait, fiston, c'est ça que j'aime. Malgré un départ chaotique, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Nos actions nous précèdent dans cette histoire, pas de retour en arrière. Une vie à courir derrière tous fric, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Une question de survie dans cette histoire, pas de retour en arrière. Malgré un départ chaotique, comme Julio César, venu vidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Nos actions nous précèdent dans cette histoire, pas de retour en arrière. Une vie à courir derrière tous fric, comme Julio César, venu fidir parti en PM. Flashé par le radar, j'accélère de plus belle. Une question de survie dans cette histoire, pas de retour en arrière.